Je vends se dit vendo. Et vous vendez se dit vende. Vende. Donc, comment diriez-vous? Pourquoi ne le vendez-vous pas? Perché non lo vende? Perché non lo vende? Très bien. Et comment dit-on il le vend? Lo vende. Lo vende, oui. Et au temps des longueurs, comment dit-on il le vendait? Sachant que l'infinitif, vendre, se dit vendere. Lo vendeva. Vendeva. Lo vendeva. C'est ça, lo vendeva. Et que donnerait ça se vend? Si vende. Si vende. Si vende, oui. Si on veut dire ça prend beaucoup de temps pour ça prend, il y a une expression en italien qui est ci vuole. Avec le ci, c'est i, que nous avons déjà vu plusieurs fois. Ci vuole. Alors, comment diriez-vous ça prend beaucoup de temps? Ci vuole molto di tempo. Contrairement à beaucoup, qui peut être suivi de, molto n'est jamais suivi de di. Ah, ci vuole molto tempo. C'est ça, oui. Ci vuole molto tempo. Et pour poser une question, comment direz-vous? Combien de temps ça prend? Attention, ne traduisez pas le de ici. Quanto tempo? Mm-hmm. Ça prend. Ci vuole? Quanto tempo ci vuole? C'est ça. Quanto tempo ci vuole? Maintenant, vous allez dire je veux savoir combien de temps ça prend parce que je suis pressé. Pour dire je suis pressé en italien, on dit en fait mot à mot j'ai hâte. Ho fretta. Fretta. F-R-E-T-A. Ho fretta. Je précise que l'expression est la même que l'on soit un homme ou une femme, puisque fretta signifie littéralement hâte. Ho fretta. J'ai hâte. Et donc, comment direz-vous? Je veux savoir combien de temps ça prend parce que je suis pressé. Voglio sapere quanto tempo ci vuole perché ho fretta. C'est tout à fait ça. Voglio sapere, je veux savoir. Quanto tempo, combien de temps, ci vuole, ça prend, perché ho fretta, parce que je suis pressé. Voglio sapere quanto tempo ci vuole, perché ho fretta.